Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Raconter le monde, une série d'Arnaud Contreras réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a un festival malouin d'étonnants écrits voyageurs. Et ce récit ininterrompu et pluriséculaire de ceux qui rentrent de voyage et qui un jour décident de raconter tout ce qu'ils ont vu. Mais il faut se demander ce qui les a amenés à partir. Parce que parfois, c'est pour conquérir plus que pour découvrir. Alors pour commencer, les personnages. Un collectionneur de disques, des explorateurs, une archiviste dans des rayonnages, un roi batéké, une spécialiste des voyages, des colons sur deux, un photographe et ses livres, un journaliste et son hommage, des écrivains de droite, un libraire nostalgique, une libraire voyageuse et une motarde. Ensuite, le décor. Des voix, des chants, des archives, la colonisation, des carnets, le Congo, des pirogues, un casque colonial, des cartes, des terres imaginaires, pas l'ombre d'un remords, des viols, la mission civilisatrice, le Sahara et une librairie de l'île Saint-Louis. Aujourd'hui, premier épisode, on remonte le temps des archives. Raconter le monde, une histoire de la littérature de voyage. Arnaud Contreras, Jean-Philippe Navarre. Le chef du village est mort. Les pleureuses se sont réunies dans la case des femmes et elles chantent le chant funéraire. Un grillon caché sous les pierres du foyer les accompagne. Lorsque Claude Lévi-Strauss écrit en ouverture de son livre « Triste tropique, je hais les voyages et les explorateurs », il souhaite choquer. Mais il souhaite aussi que l'on parle un peu plus des peuples, un peu moins des aventuriers. Mais qui raconte ces peuples? Qui raconte le monde? Des salles d'archives où sont conservés les manuscrits des explorateurs, aux librairies de voyage, en passant par la discothèque d'un passionné de 78 tours de son du monde, nous embarquons pour une navigation sonore dans une histoire de la littérature de voyage. Dans les villages de la montagne, on entend de véritables orchestres composés de sifflets taillés dans le bois et de différentes grosseurs. Je m'appelle Thomas Henry, je suis collectionneur de disques 78 tours. Donc 78 tours, c'est les ancêtres des vinyles. Alors c'est des disques de taille, de format, de vitesse assez variés en fait. Produits de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 50. Pour faire simple, en France, en tout cas, il y a d'autres régions dans le monde où on a produit un petit peu plus longtemps. Je chine à droite à gauche sur les marchés aux puces, les brocantes. Je fais aussi des échanges. J'ai un très beau disque brésilien qui est posé là sur le dessus de la pile qui vient d'arriver envoyé par un collectionneur américain. Donc ça me fait souvent frissonner ces disques. Donc l'histoire que ces disques racontent, c'est d'abord des histoires de voyage. Cet objet qu'a voyagé, ça me fascine vraiment. Et puis voilà, ces enregistrements lointains, on s'en rend pas forcément compte, mais les maisons de disques ont enregistré très tôt, presque partout dans le monde. Quelques exceptions près, dès les années 1902-1903 en Inde, en Égypte, en Chine, on a voyagé partout à cette époque pour enregistrer. Donc on parle de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y a la dimension littéraire, les récits de voyage, il y a les dimensions iconographiques, les photos, et puis il y a deux dimensions qui manquent, la dimension olfactive, on a très peu d'essence du monde, et puis on n'a pas trop de son du monde. Ce qu'on enregistre, c'est forcément la voix, de la musique bien sûr, il y a aussi beaucoup de diction, de la poésie, du théâtre, raconter des histoires, il y a des discours politiques qui sont enregistrés très tôt. C'est d'abord la voix qu'on a enregistrée, indépendamment des instruments, parce qu'il y avait cette contrainte technique, est-ce qu'on va réussir à capter tout type de son, voilà. L'autre face, j'avais vu ici un disque qui commence par le centre. Je suis Isabelle Dion, donc je suis directrice par intérim des Archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence. Les Anom ont vu le jour en 1966 Donc elles ont été destinées à accueillir les archives rapatriées en partie des anciennes colonies. Alors pourquoi Aix-en-Provence ? Parce que bon, Aix-en-Provence n'était pas loin de Marseille, donc porte de l'Orient, départ vers l'outre-mer, mais aussi parce qu'il se construisait un grand ensemble universitaire à côté et qu'il y avait une chaire d'histoire coloniale. Qu'est-ce que ces archives racontent du monde d'hier ? Les archives racontent d'abord les débuts de la colonisation, les premières installations, ça à peu près pour toutes les anciennes colonies. Donc vous avez les premières explorations en Nouvelle-France, par exemple au Canada, où vous avez la prise de possession de la Guadeloupe ou de la Martinique. Et puis après, on suit les mises en place de la colonisation, des différentes institutions, les peuplements, et on va jusqu'au décolonisation avec tout ce que cela suppose, surveillance des partis politiques qui se sont créés, surveillance des personnes. Mais bon, on peut trouver aussi des documents relatifs à l'architecture coloniale, par exemple. Donc c'est très varié parce que le ministère des colonies était un ministère régalien, donc qui pouvait traiter de tous les sujets, aussi bien des sujets politiques que des choses relatives à l'enseignement, aux finances, etc. Donc c'est la raison pour laquelle les fonds sont très variés. Donc Isabelle Lyon, on se retrouve face à des rapports administratifs, mais on se retrouve aussi face à des écrits plus personnels. Comme on conserve également des archives privées, on a la chance d'avoir quelques archives d'explorateurs. Et donc là, on peut trouver des carnets de route qui, quelquefois, au jour le jour, nous racontent la progression dans ces territoires inconnus. On a les archives privées de Pierre Savornian de Brazza, donc qui est à l'origine du Congo français. On a pas mal de carnets de route qui nous parlent de ces différentes missions au Congo. Et dans le même ordre d'idées, on a également trois journaux de route d'Auguste Pavie, qui lui était au Laos. Donc c'est très varié. Donc si vous voulez voir les archives de Brazza, on va aller au deuxième étage. Vous allez me suivre dans les magasins. Les archivistes comptent en mètres linéaires ou kilomètres. Donc on a à peu près 38 kilomètres d'archives. Donc là, vous êtes dans la partie archives privées. Et donc, là, vous avez les archives de Savornian de Brazza. Alors, au hasard, j'ai eu la chance de rencontrer les descendants de Brazza. Donc là, vous avez un carnet de route qui commence au 28 août 1880. C'est au moment où il va rencontrer le roi Makoko. C'est ce roi des Bateke qui va lui donner un morceau de terre et qui va être à l'origine de la fondation de Brazzaville et l'origine du Congo français. Cahier commencé le 28 août 1880 et terminé par ces mots. Ces villages furent établis et prospérèrent à l'époque où cessa la traite. Voilà, donc vous voyez l'écriture. Alors c'est un cahier qui a un petit peu souffert parce que pour se déplacer, souvent, les explorateurs voyageaient en pirogue et il y avait pas mal de pirogues qui chaviraient et les cahiers, entre autres, puisque souvent, il y avait les porteurs ne savaient pas nager. Donc souvent, il y avait des morts parmi les porteurs, mais parfois, les archives allaient dans l'eau également. C'est un cahier qui est intéressant parce que Brazza dessine. Il y a quelques dessins, donc si j'arrive à retrouver, vous voyez, là, il y a un dessin de pirogue. Là, on voit aussi Brazza vraisemblablement dans un hamac. Après, on dirait aujourd'hui que Brazza est un personnage médiatique, mais il a été photographié beaucoup par Nadar, en particulier cette photo qui est vraiment la plus connue. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est Brazza l'explorateur, avec un burnous sur la tête, les vêtements déchirés, il s'appuie sur un bâton, il doit être pieds nus aussi. D'ailleurs, à un moment, je crois que c'est dans la première exploration, il raconte qu'il s'est blessé au pied et que il a dû se recoudre. Mais cette photo a été réalisée à Paris. Cette photo a été réalisée en studio à Paris, oui, oui, tout à fait. Donc, d'où la mise en scène. Et puis, c'est la même pose que l'on retrouve dans le tableau. Alors, je crois que c'est Thaddeus. Donc, il accepte de se mettre en scène. Oui. Mais pour la grandeur de la France et la sienne. Voilà, pour la grandeur de la France, pour voilà, l'explorateur Va-nu-pied qui a beaucoup souffert. Et voilà, tout ça pour la grandeur de la France. Alors qu'au début, bon là, il est plus jeune, c'est Brazza, l'explorateur, là, vraiment avec le casque colonial. Voilà. Alors quand on a de la chance, c'est que des photographies accompagnent les fonds d'explorateurs, c'est fabuleux. Parce que je dirais que quand on classe un fonds d'archives bon, d'un explorateur et qu'on ne connaît pas l'Afrique, on imagine. Là, on est en train d'écouter un disque qui a été enregistré par la marque Pathé, marque française Pathé, au Maroc, des années 1900. Thomas Henry. C'est un disque qui commence par le centre, donc qui se joue du centre vers l'extérieur. Il n'a pas d'étiquette, en tout cas pas d'étiquette en papier. Le centre du disque, c'est une surface noire qui est gravée et dans laquelle on a une inscription qui apparaît en jaune à la gouache sur la gravure. C'est des disques, alors on a des indications sur la pochette, on nous dit qu'il faut les jouer entre 90 et 100 tours par minute. Donc c'est purement à l'oreille qu'on les ajuste. Voilà le type de curiosité que j'adore. Donc c'est un très beau disque, un disque extrêmement rare. Il y a très peu de disques de cette époque d'Afrique du Nord qui ont survécu chez Pathé. Là, c'est le coin des beaux livres, des coffee table books, comme on dit. Donc c'est tout ce qui a à voir avec la relation historique de l'Europe avec le reste du monde. Par exemple, il y a celui-là sur Athanasius Kircher, et c'est vraiment passionnant parce que c'est l'aventure jésuite, quoi, à travers le monde, l'extraordinaire érudition qu'ont développé les jésuites en Chine, en Asie, au Canada, et cette capacité quand même à dialoguer avec l'autre. Marie-Hélène Fraissé, on est chez toi, oui. Sur la butte Montmartre. Donc tu as été grand reporter, tu es auteur et tu as été productrice pendant assez longtemps sur l'antenne de France Culture, notamment pour des émissions qui parlent de l'ailleurs. On est devant ta bibliothèque. Il y a des livres sur l'exploration, évidemment, Vasco de Gama et l'Inde, puisque les récits d'exploration aussi suscitaient une très belle iconographie, souvent, quand il y avait des dessinateurs à bord. L'excellence, c'était par exemple James Cook, qui avait de merveilleux dessinateurs. Et ça donne des livres que j'aime beaucoup. Il y a des livres sur les cartes aussi, les vieilles cartes. Ça me fait complètement rêver parce que on voit des pays, des territoires apparaître avec beaucoup d'erreurs. J'aime beaucoup ces erreurs puisque les voyageurs voyagent vers un inconnu qui est mal cartographié. Donc, ils croient trouver quelque chose, ils vont trouver autre chose. Et il y a en plus dans les marges des cartes, des petits personnages extraordinaires qui sont à l'image de notre représentation de l'autre. Donc, par exemple, pour les cartes de l'Amérique, il y a des espèces de cannibales, il y a des monstres, il y a les terres imaginaires. Ça m'a beaucoup intéressée à une époque, la quête des terres mystérieuses, complètement imaginaires, le royaume d'Ophir, le royaume de Quivira, le détroit d'Anian, etc. Et ce qui est étonnant dans ces récits de voyage, qui ont parfois été contestés, dont on a contester la véracité, c'est qu'il se révèle longtemps après véridique sur certains points. Il y a des éléments d'information, et ça je trouve ça assez fascinant, dans ces textes, même enjolivés, poétisés, et parfois un peu, bon, qu'on aide un peu. Alors dans Marco Polo, par exemple, qu'on accuse d'être un grand menteur, il y a des éléments tout à fait réel et qui pousse les voyageurs à aller y voir. Parce que Marco Polo, il est recruté par le Grand Camp pour aller dans des contrées éloignées sur des missions diplomatiques. Et là, il voit des choses. Il raconte, par exemple, qu'au nord du Pacifique, il y a probablement un passage, ça s'appelle le détroit d'Anian, dit-il, pour contourner l'Amérique du Nord et rallier l'Europe. Bon. Au nom de ce détroit d'Anian, donc, un certain nombre de gens ont tenté ce qui est le passage du Nord-Ouest. Mais pendant très longtemps, on a dit « Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, ce Marco Polo, c'est n'importe quoi ?» Sauf que oui, il y a un passage du Nord-Ouest. Donc, la vérité de l'à peu près du voyage, quoi. il y a quand même, et on le lit dans tous les récits de voyage, cette certitude qu'a l'Européen d'être supérieur parce que chrétien. C'est le christianisme qui gouverne ou qui légitime le fait d'aller voir l'autre, qui est nécessairement une humanité intéressante, qui suscite un regard curieux, mais qui est une humanité que, ultimement, il faudra amener à notre niveau, donc, de civilisation, et qu'il faudra christianiser. Donc tout ça gouverne le regard pratiquement jusqu'à la fin de l'époque coloniale, c'est-à-dire aux abords du XXe siècle. Et pas seulement dans la tête des missionnaires, dans la tête des voyageurs qui partent avec une sorte alors de légitimité. C'est toujours ça qui m'étonne, parce que quand on pose le regard de maintenant sur ces récits-là, c'est quand même absolument étonnant l'absence d'autocritique. C'est-à-dire, par exemple, il y a un phénomène auquel je me suis beaucoup intéressée, c'est le rapt d'indigènes. Dans tous les récits de voyage, jusqu'à pratiquement au 19e siècle inclus, les voyageurs se croient autorisés à emmener des gens comme des pièces à conviction du voyage. C'est quand même fascinant. Alors, on navigue le long du rivage, on voit une femme avec son enfant, et ben on l'embarque. Et puis il y a le grand non-dit de toute l'histoire de l'exploration, c'est que on arrive au début en tout cas en bateau, des hommes débarquent, des hommes qui sont sans femme depuis plusieurs semaines, etc. Et il y a eu des viols partout, et il y a eu des métissages innombrables sur toutes les côtes d'Amérique, d'Asie, d'Afrique. Ça c'est... Raza s'est construit une image. Donc c'est l'image de l'explorateur qui à la fois a délivré les esclaves, Isabelle Dion, qui a, je dirais, conquis, entre guillemets, mais qui a exploré sans tirer un seul coup de fusil. Voilà, c'est toute cette image qui s'est construite. Et donc il faut savoir que c'est l'époque de ce qu'on appelle The Scramble for Africa, donc à partir de 1885, à partir de la conférence de Berlin. Donc c'est vraiment la course entre les différentes nations pour se tailler une part d'Afrique. Et au moment où Brazza est au Congo, de l'autre côté, vous avez Stanley, qui lui, je dirais, travaille entre guillemets pour le roi des Belges, et dont on montre une image qui est radicalement différente. Hein. Voilà, Stanley, c'est celui qui fait tout exploser, qui tue des gens, etc. Qu'est-ce qu'il écrit ? Il décrit que le roi arrive précédé de nombreux habitants. Alors, il décrit le costume, il décrit... Alors, dans mon souvenir, le roi, après, est assis sur une peau de lion, etc. Et donc, chacun se rend visite un peu tous les jours. Et visiblement, il y a... Enfin, ça, après, c'est tel que Brazza le raconte. Donc, il y a une amitié qui se crée entre les deux hommes. Et c'est la raison pour laquelle le roi Makoko donne un morceau de terre afin que les Blancs puissent s'installer. Voilà, traité de protectorat avec un chef. Là, on est au Congo. Donc, vous voyez que le chef a mis une croix. Ah bah d'ailleurs, voilà, je n'ai pas fait exprès. C'est en vertu des pouvoirs, Monsieur Pierre Samandon de Brazza. Voilà, donc c'est un traité passé par Brazza. Là, il est manuscrit. Et là, il a été enregistré. Hein. Alors, en vertu des pouvoirs de Monsieur Pierre Savandier de Brazza, lieutenant de vaisseau, officier de la Légion d'honneur, commissaire général du gouvernement de la République française au Gabon et au Congo français, pouvoirs qui nous ont été régulièrement délégués par Monsieur Albert Doulizy, ancien élève de l'école polytechnique, chevalier de la Légion d'honneur, chef d'exploration Congo français, résident de Bakongo et Oniari, nous, Louis Duno, donc capitaine, chargé d'exploration au Congo français, avons conclu le traité suivant avec le chef noir de la terre de Bobassa, tant en son nom qu'au nom de ses successeurs. Le chef noir sous-signé déclare placer son pays sous la suzeraineté et le protectorat de la France. La France reconnaît le chef sous-signé comme chef de la terre de Bobassa et lui promet aide et protection. Le chef et tous les indigènes conservent l'entière propriété de leur terre. Ils pourront, sous le contrôle de l'autorité française, les louer ou les vendre à des étrangers de n'importe quelle nationalité et percevoir les redevances sous la forme et dans les conditions consacrées par les usages du pays. Voilà, donc... J'aime bien. Le chef s'engage à user de toute son influence pour faire bénéficier les populations soumises à son autorité de tous les avantages de la civilisation. Donc on est bien voilà, dans la période de la mission civilisatrice hein, de la France, hein, qui justifie un peu toutes les explorations et surtout les prises de possession. Nous, sous-signé Paul Lagnon, quartier maître mécanicien détaché au service du Congo français, mécanicien de la canonnière Djoué. Certifions que le présent traité a été librement discuté avec le chef noir de la terre Bobassa devant les indigènes, qu'il leur a été lu, expliqué et commenté, et qu'il a été consenti par eux en parfaite connaissance de cause. Les différents présents ont marqué, ont mis leur croix. Tous les paysans du village se réunissent pour les labours. Les musiciens rythment le travail par des chants accompagnés du tambour et du balafon. Le balafon est un clavier de bois que l'on frappe avec des baguettes. C'est un disque intéressant. On est entre l'enregistrement ethnographique et puis quelque chose d'un peu documentaire avec un narrateur qui nous lit, qui nous raconte quelque chose. C'est un disque de la fin des années 40 qui est sorti sur un label intéressant qui s'appelait La Boîte à Musique. La Boîte à Musique, au départ, c'est un marchand, un disquaire du boulevard Raspail à Paris, mais qui est aussi un éditeur phonographique. Et donc, il y a ce disque qui est un peu un espèce d'ovni. C'est pas une édition du Musée de l'Homme. C'est pas un disque ethnographique. Je sais pas exactement à quoi il était destiné, si c'est un accompagnement pour un film documentaire où j'ai pas trouvé l'information. C'est un disque qui s'appelle Les Paysans Noirs. Voilà. Et ça a été enregistré en Haute-Volta, donc l'actuel Burkina Faso. Quel est le style de l'écriture de Braza, cet explorateur? Est-ce que c'est l'écriture d'un aventurier? Est-ce que c'est l'écriture d'un homme de lettres? Ah non, là c'est vraiment... Bon, on est en 1880, il faut quand même se souvenir que Braza est un Italien naturalisé français. Hein. Bon, il a passé le concours de l'école navale, mais c'est vraiment une écriture linéaire, quoi. C'est pas du tout littéraire. Alors, Braza, contrairement à Pavie, hein, Braza n'a jamais rien écrit, n'a jamais rien publié. Alors que donc Pavie a écrit La Mission Pavie, dans lequel lui, il a retranscrit ses carnets de route et il a réécrit. Alors que là, bon, c'est vraiment, une écriture au fil de l'idée qui vient. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces aventures, elles étaient racontées dans deux journaux de l'époque, un qui s'appelait Le Tour du Monde, et l'autre, c'est le Journal des Voyages. Ces récits sont illustrés de gravures, souvent faites à partir de photographies que les explorateurs ramenaient. Et donc, c'était destiné à faire connaître au plus grand monde donc ces récits qui éveillaient l'imagination. Donc, quand vous voyez les gravures, vous rendez compte que ce n'est pas vraiment la réalité. Mais voilà, ça a enflammé l'imagination. Tous ces récits de voyage nous permettent de suivre l'histoire de l'exploration quand malheureusement, on n'a pas de carnet de route. Thomas Henry, est-ce que le monde entier est enregistré au début du XXe siècle? Non. On est quand même étonné de voir à quel point les premières marques phonographiques ont voyagé. Alors c'est quasi exclusivement dans un premier temps des marques occidentales, Pathé en France, Odéon, Becca en Allemagne, Gramophone en Angleterre et Victor aux États-Unis et Columbia. Tout ça, c'est des marques qu'on enregistrait quasiment partout et très tôt. Il y a quand même une exception notable, c'est l'Afrique subsaharienne qui est un peu la grande oubliée dans l'histoire de l'industrie phonographique, en tout cas jusqu'aux années 30. En revanche, en 1900, on enregistre à Constantinople, en 1902 au Caire, en 1903, il y a des enregistrements qui ont été faits en Chine, en Inde, au Japon, en Indonésie, donc on est allé très loin en Orient. L'Afrique du Nord a été couverte aussi, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, tout ça, on a enregistré très tôt avant 1910. On a enregistré aussi très tôt depuis l'Amérique, donc ça c'est plutôt Victor, marque américaine, qui a enregistré en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Donc avant la Première Guerre mondiale, quasiment le monde entier est couvert, je le répète, à l'exception notable de l'Afrique subsaharienne, où il y a des pays où il faut attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour avoir des enregistrements. Marie-Hélène Freissé. Il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup regarder, c'est René Caillet qui m'a fait penser à ça. René Caillet, donc, est le, pas le premier, mais le deuxième occidental à pénétrer dans Tombouctou, qui à l'époque est une ville prospère, qui est quand même un carrefour de caravanes, mais qui n'est jamais qu'une ville de terre. Et il y a cette dimension dans le voyage de Caillet que je trouve absolument bouleversante de la déception. C'est-à-dire qu'il a rêvé toute sa vie d'aller à Tombouctou, il a galéré, il a traversé le désert dans des conditions terribles, il a risqué sa vie, il s'est fait passer pour un musulman, etc. Et il arrive à Tombouctou. Et là, cette ville donc, pour laquelle il a fait tant de sacrifices se révèle incroyablement décevante. Et il y a un très beau passage dans Caillet qui donne bien cette idée « Tout voyage est aussi une déception ». Rarement on l'écrit aujourd'hui parce qu'on va avoir tendance à dire que c'était formidable. Enfin non, parce qu'il y a un certain nombre d'écrivains voyageurs qui au contraire jouent sur le côté un peu dérisoire. Et je pense à un de nos amis qui a écrit un livre récemment qui s'appelle Les trous du cul du monde. Mais Tristan Savin. Oui, Tristan Savin, donc qui dirige L'Encours et une belle revue de voyage justement qui joue dans tous ces registres. Donc il y a beaucoup de dimensions passionnantes dans le récit de voyage quand on le revisite avec un œil d'aujourd'hui. Et ça, c'est moi en 2007. Jean-Marc Duroux, photographe et auteur. C'est le dernier voyage que j'ai fait et j'ai eu la chance. Alors là, ça a été le pompon. Et j'ai vu l'avènement d'un aménocal. La nomination d'un roi Touareg, je n'aurais jamais pensé l'avoir dans ma vie. Et ça, c'est un de mes livres fétiches. C'est la première traversée du Sahara, du Major Denham et Clapperton en 1826, c'est l'original. Et ça décrit la première traversée d'Européens du Sahara, de Tripoli jusqu'au Soudan, au Bornou. Et ils décrivent le lac Tchad que l'Europe ignorait. On pensait d'ailleurs que c'était un bras du Nil. Et voilà, donc c'est un livre important. Et avec l'Atlas, ce qui est encore plus important, c'est que ce livre est accompagné d'un Atlas extraordinaire où on a des représentations faites par les explorateurs des animaux rencontrés, c'est-à-dire le fennec, les populations rencontrées avec les scarifications sur la figure que les populations ont, un tas de photos de paysages, les gardes du corps du cercle du Bornou à cheval avec une lance et un cheval fougueux qui part au galop et un turbané. Tout ça, c'est effectivement des livres très rares et très précieux. L'idée, mais je ne sais pas si elle se réalisera, c'est de transmettre un certain nombre d'ouvrages qui ont été accumulés pour les générations des jeunes au Sahara. Leur histoire, c'est une partie, c'est une page de leur histoire. Et c'est vrai qu'un de mes grands rêves, je ne sais pas si ça se fera, mais ça aurait été évidemment de transmettre cette bibliothèque à une ville comme Tombouctou au Mali, ou Agadez au Niger, ou Tamanrasset, ou Djaned, puisque ces bibliothèques n'existent pas. Hein, soyons très clairs, je veux dire, il n'y a pas une bibliothèque de ce type au Sahara pour les jeunes de demain, et même d'aujourd'hui, surtout d'aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, et c'est une page d'histoire importante. Alors ça, c'est un livre assez exceptionnel, qui a été édité par le Cercle Lyonnais du Livre en 1934. C'est de l'Atlantide de Pierre Benoît, mais illustré, donc gravure sur bois, de toute beauté, qui développe l'ensemble des dessins qu'a pu faire Paul-Élie Dubois dans le Hogar à cette époque. Est-ce qu'il y a eu quand même des écrits de Touareg, de Chamba, de Berabiche ? Très très peu de choses, très très peu de choses, je dirais même presque que c'est insignifiant. Moi, tout ce que j'ai pu entendre comme histoire, c'est l'oralité, hein. Il n'y a pas d'écrit. Donc ça se transmet combien de temps ? Je pense en toute cette année, je n'ai pas beaucoup d'espoir que ça se... Si on ne les écrit pas, j'ai peu d'espoir que dans la nouvelle génération, ça fonctionne. Dans ta bibliothèque, quel type de récits est-ce que tu as ? Est-ce que ce sont des récits factuels ? Est-ce que ce sont des récits littéraires ? Comment a été produit ce récit colonial ? C'est essentiellement aussi des livres sur l'exploration et la découverte. J'étais autodidacte, donc je suis devenu guide, puis ensuite photographe. Et j'ai commencé à faire un livre, deux livres, trois livres. Il s'est avéré que aujourd'hui j'ai le record du monde des livres sur le Sahara, avec je crois 38 livres sur le Sahara, ce qui est quand même hallucinant. Mais j'étais en tant que photographe. J'avais peu écrit parce que j'avais peur d'écrire en tant qu'autodidacte. Et puis un jour, j'ai eu envie d'écrire cette exploration du Sahara, cette découverte de l'Occident chrétien, de ce monde qui n'était pas connu en finalité. Mais j'hésitais. Et Monod, qui était mon ami, Théodore Monod, qui était mon ami, m'a vraiment beaucoup encouragé. Théodore a été comme mon maître de conférence, hein, mon maître de thèse, puisque, en fin de compte, je le voyais tous les 10 jours, 15 jours. Et il me disait, voilà, il faudrait que tu lises ça, il faudrait que tu lises ça, il faudrait que tu lises ça. Et comme ces livres étaient difficiles à trouver en bibliothèque, et que j'ai commencé cette passion de recherche, de découverte, parce que c'est ça aussi, sans être collectionneur, on recherche, on prend plaisir aussi à trouver quelque chose qui est rare. Et puis j'avais pas de gros moyens en plus. Et j'ai acheté tous les bouquins sur les explorateurs, les premiers explorateurs anglais, Clapperton en 1823-24, les originaux. Et c'est là où j'ai constitué cette fameuse bibliothèque sur l'exploration du Sahara, avec les explorateurs allemands, Heinrich Barth, les explorateurs anglais, Clapperton, Oudney, etc. Et bien évidemment, les explorateurs français comme Duverrier, etc. Puisque j'ai même réédité un livre extraordinaire qui s'appelle « Les Touaregs du Nord », qui était sorti en 1864, qui est le premier livre d'ethnologie sur les Touaregs. Je suis devenu éditeur et j'ai réédité cet ouvrage pour les passionnés, disons, voilà. Lorsque, en fin de compte, je commence à m'intéresser au Sahara, j'ai 14 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que, avec mes parents, je vis à Paris, je fais mes études à Paris, et je vais en Algérie voir mes grands-parents, et on m'emmène dans le Sahara, et j'ai un coup de foudre dans les petites oasis du désert. À l'époque, personne ne s'intéresse au Sahara. On est dans une période, dans les années de 62 à 70, d'amnésie volontaire des Français par rapport à cette période. C'est-à-dire que tout le monde a souffert de cette décolonisation, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Plus personne ne veut en parler. Personne ne s'intéresse au Sahara. Donc tout ce qu'on peut trouver date de l'époque coloniale. D'une manière générale, sur le Sahara, il faut bien avouer une chose, c'est que l'ensemble des auteurs sont très positifs. Ils trouvent ce pays magnifique, ils trouvent les gens hospitaliers, ils trouvent les gens gentils. Et je dirais même que ça va me poser un sacré problème, puisque quand en 71-72, je vais partir pour la première fois dans le Haut-Gard, et j'ai décidé de faire une méharée avec des copains, on organise pendant 2 mois, juillet, août, une grande méharée à travers le Haut-Gard, je prends mon avion à Alger pour Tamanrasset, c'était des Convers 640 à hélice à l'époque, etc. Et je me dis dans l'avion, mais est-ce que je fais une joie d'aller vivre avec les Touaregs, mais est-ce que ces gens-là n'ont pas trop fantasmé à travers de leurs écrits, et ce que je vais trouver va être décevant? Parce qu'en fait, tout est magnifique, les Touaregs avec sur leurs chameaux, l'imzad, enfin tout est augmenté. Et le miracle, c'est que j'arrive, je prends des chameaux, je pars dans le Haut-Gard au mois de juillet, au mois d'août, et je tombe au moment des mariages. Il y a encore des tentes en cuir dans le Haut-Gard à l'époque. Hein. Il y a encore des tentes en cuir dans le Haut-Gard, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Et en fait, il y a des campements, et on tombe dans les campements notamment de la tribu Issacamarène. J'ai un guide Kelrella, qui est un guide noble. Et on découvre des fêtes extraordinaires, on découvre une hospitalité extraordinaire, encore plus forte que ce que j'avais imaginé dans la littérature. On est en train d'écouter un disque érythréen. Les 33 tours, les 45 tours éthiopiens érythréens sont rares et prisés des collectionneurs. Les 78 tours de cette région, celui-ci date des années 30, sont rarissimes. Alors voilà un objet qui a une histoire encore. La Columbia, donc la maison disque Columbia, sa branche italienne, dans les années 30, pendant l'occupation de l'Abyssinie par les fascistes, a fait une campagne d'enregistrement donc de musiciens en Éthiopie, en Érythrée. Et donc voilà un exemple. Donc c'est très beau, un chanteur qui s'accompagne au krar. Le krar, c'est un instrument à cordes qu'on entend beaucoup dans la musique traditionnelle éthiopienne et en Érythrée. Je m'appelle Tristan Savin. Moi, je suis un enfant des années 70 et pour moi, la littérature de voyage reste associée tout bêtement à Hergé, c'est-à-dire aux aventures de Tintin. Déjà, Tintin est journaliste, comme je le suis devenu moi-même. S'il y a un auteur que vous retenez de votre adolescence? Mon premier vrai tour du monde, je l'ai fait grâce à Jules Verne en lecture. J'ai dû quasiment tous les lire plusieurs fois. Et ça reste pour moi le grand maître pour des jeunes, des adolescents. C'est l'initiateur par excellence. C'est celui qui va vous apprendre le monde, qui va vous apprendre la géographie, qui va vous apprendre l'histoire, qui va vous apprendre la langue française et qui va évidemment vous faire rêver avec ses aventures extraordinaires. À partir de quand, Tristan Savin, est-ce qu'on a utilisé le mot « écrivain voyageur » ? Je crois que ce sont les Anglais qui ont inventé le terme « travel writer ». Donc je dirais a priori que ça date, du début du XXe siècle, si je ne me trompe pas. Mais le terme est arrivé beaucoup plus tard en France et on a commencé vraiment, au niveau médiatique en tout cas, à utiliser le terme tout simplement au tout début du festival Étonnant Voyageur. Quand toute la bande d'étonnants voyageurs réunis autour de Michel Lebris a commencé à utiliser ce terme, et dans cette bande il y avait celui qui est devenu le grand écrivain voyageur, Nicolas Bouvier. Il y avait aussi Gilles Lapouge. Il y a eu des collections, il y a eu des émissions de radio, comme vous le savez très bien. Il y a eu des documentaires qui ont commencé à être diffusés. C'était dans la fin des années 80, début des années 90. C'est à ce moment-là que le terme écrivain voyageur est vraiment apparu dans la conscience collective. Avant, il y avait des voyageurs qui écrivaient. Dans cette catégorie, on peut mettre Saint-Exupéry, on peut mettre Joseph Kessel, évidemment, on peut mettre Henri de Montfred, enfin, on peut en mettre beaucoup. André Malraux aussi, bien sûr. À la rigueur, on appelait ça les aventuriers plutôt à l'époque. Et on a réuni sous l'appellation écrivain voyageur, à travers le festival Étonnant Voyageur, on a fini par fédérer justement tout ce courant. Par opposition à une époque à ce qui s'est appelé la littérature un peu nombriliste. C'était un peu contre ça que s'opposait tout ce mouvement autour de Michel Lebris, l'étonnant voyageur. D'un côté, il y a des écrivains généralement un peu parisiens, germano-pratins, qui vont vous parler de leurs histoires personnelles, de leurs problèmes de couple ou de leurs problèmes d'enfance. Et il y avait, par opposition à cette littérature nombriliste, entre guillemets bien sûr, et un peu autofiction ou autre, surtout très biographique, il y avait cette notion de « on va vous raconter le monde ». Que ça soit au Brésil avec Gilles Lapouge ou au Japon avec Nicolas Bouvier, c'était vraiment le voyage. Surtout, ça correspond à une époque où le tourisme commence à se démocratiser. Ça, c'est important de le préciser, parce que d'un point de vue sociologique aussi, il faut voir que ce mouvement n'est pas apparu non plus par hasard. Il y avait des charters, il y avait des agences de voyage, pour ne pas les nommer, mais qui ont eu une importance, on va dire, au niveau d'un phénomène sociologique comme Nouvelle Frontière et autres. Il y a eu tout un mouvement comme ça, avec des gens qui pouvaient partir plus souvent et pour moins cher. Et il y a eu surtout ce qui s'est appelé la mode hippie. C'est les années 70, mais ce sont les descendants des premiers hippies qui sont devenus ces grands voyageurs qui partaient pendant des mois. Est-ce qu'il y a une portée politique à la création de ce festival? Est-ce qu'il y a une portée politique à la création de ces collections en réaction aux écrits d'aventure qui sont plutôt des écrits de droite, on va dire? En faisant mes recherches, comme moi c'est ma passion principale en tant que critique littéraire, historien de la littérature et moi-même écrivain, voyageur et directeur d'une revue de voyage qui s'appelle Long Cours, j'ai moi-même été très étonné de découvrir au fur et à mesure de mes recherches qu'effectivement la plupart de ces auteurs étaient plutôt étiquetés de droite. C'est très curieux. Il y a eu tout un mouvement autour de la guilde du Raid et de toute une frange d'écrivains qu'on a étiquetés de droite, qui étaient plutôt étiquetés Figaro Magazine, Géo ou Paris Match, etc. Tout ça autour de, je pense, de ce que j'appelle l'esprit Boy Scout. c'est une espèce de filiation qui pourrait partir, on va dire, de Kipling, par exemple. Kipling, ne l'oublions pas, a inspiré le scoutisme, mais sans vouloir étiqueter trop facilement les gens, on peut tout de même s'apercevoir qu'il y a un courant que j'appelle, moi, le scoutisme, qui a infiltré la littérature de voyage. Après, pour revenir à Saint-Malo, vous avez un courant radicalement opposé, parce que Saint-Malo, c'est Michel Lebris. Michel Lebris l'a dit de nombreuses fois, on sait qu'il était plutôt maoïste. Donc il y a eu une espèce de courant comme ça, qu'on va appeler évidemment de gauche, ou en tout cas révolutionnaire, mais il en est revenu aussi, a priori, Michel Lebris, quand il le dit aujourd'hui. Lui, il était opposé au structuralisme quand il a créé son mouvement des écrivains voyageurs. Et quelque part, je dirais que c'est plutôt un mouvement apolitique, en fait. Je pense que le tronc commun des auteurs et des voyageurs que nous fréquentons, Aymeric Fisset, c'est non pas la littérature, mais c'est très fort en eux, à un moment donné de leur vie, un désir de voyage. Des personnes qui sont parties parce que dans leur famille, il y avait un grand-père qui avait fait l'Indochine, peut-être, parce que à un moment donné de leur vie, ces personnes se sont intéressées à une région, ont voulu l'approfondir et se sont donné les moyens, en en prenant le temps, d'y partir, d'y séjourner. Très souvent aussi, ce sont des voyageurs qui ont entrepris de visiter ces régions à pied, en voilier, à vélo, à la rame, à ski, que sais-je, en kayak. Et donc, il y a une implication très forte de ces voyageurs, de ces auteurs, par rapport aux régions qui les intéressent. Dans un second temps, effectivement, ces personnes, ayant fait un beau voyage qui les a profondément marqués, ont souhaité immortaliser en quelque sorte cela par un livre. En fait, il ne s'agit pas d'immortaliser. Je crois que pour l'avoir vécu moi-même, ce qu'on fait lorsqu'on écrit, lorsqu'on a été voyageur et qu'on écrit ensuite, c'est le fait d'exorciser la nostalgie qu'on éprouve d'un lieu qu'on a fréquenté et où l'on n'est pas resté. J'ai passé 2 années et demie en Alaska, que j'ai traversé par mes propres moyens, hors route et hors piste. J'ai visité 70 villages isolés d'Alaska. Ce qui fait que j'ai écrit sur l'Alaska, c'est tout simplement que je ne suis pas resté au village de Grayling, où j'étais tombé amoureux d'une femme indienne. Ce qui fait que j'ai écrit sur l'Alaska, c'est que je ne suis pas resté au village esquimo de Shishmaref, où j'avais passé l'hiver. Voilà, c'est une manière d'exorciser la nostalgie du lieu que finalement on a quitté, dans lequel on n'a pas réussi à s'établir. Nous trouvons rue Berthollet dans le 5e à Paris, dans ma boutique librairie et aussi au siège de la maison d'édition Transboréal. Actuellement, je fais partie d'une association qui s'appelle l'Union des éditeurs de voyages indépendants, qui fédère 10 éditeurs. Et aujourd'hui, nous proposons un fonds que nous suivons d'environ 6000 livres sur le voyage. Alors, nous ne faisons pas les manuels de langue, nous ne faisons pas les guides, mais tout le reste, c'est-à-dire aussi bien des récits de voyage contemporains que des récits de voyage anciens, mais aussi des documents, des essais sur le voyage. En tant qu'éditeur, Aymeric Fisset, est-ce que vous poussez vos auteurs à exorciser ? L'écriture demande beaucoup de maturité, demande aussi beaucoup de travail, et pousser les personnes à écrire sur leur voyage si elles n'ont pas pris conscience de cette maturité, de ce travail, ça ne sert à rien. Nous recevons beaucoup de manuscrits, hein. Tous les jours nous avons une proposition par écrit, une proposition par courriel, parfois même des appels téléphoniques, et nous nous sommes rendus compte que parfois aussi, cette maturité, cette immaturité était extrêmement apparente. Par exemple, la personne qui vous téléphone et qui vous dit « voilà, j'ai fait un voyage, j'ai fait un blog, j'ai fait des lettres à ma grand-mère et ma grand-mère trouve ça très bien et je voudrais maintenant les publier ». Voilà, cette maturité ne se préconise pas, elle ne s'impose pas, elle vient progressivement et il ne faut pas forcer les gens à écrire. Voyager côte à côte, marcher ensemble, régler son pas l'un sur l'autre, se parler en regardant la même route, ou chacun de son côté le même paysage, déjà l'image est belle et suffirait à faire opter pour cette sagesse. Côte à côte, on a toujours l'impression que l'horizon au loin rapproche les vies parallèles. Toute la perspective de l'un est ouverte au regard de l'autre. Le livre de Patrick Manoukian s'appelle « Le temps du voyage », petite causerie sur la nonchalance et les vertus de l'étape. Moi, j'avais beaucoup été dans l'affrontement de la nature, du terrain, marcher, à faire du kayak avec des chiens de traîneau. Alors j'ai été beaucoup dans la rencontre parce que ce qui motivait l'effort que je fournissais dans la nature, c'était la rencontre avec des peuples autochtones ou avec des personnes qui vivaient isolées. Voilà, mais j'ai jamais vraiment su me mettre côte à côte avec une personne pour approfondir son mode de vie et pour partager avec elle le même horizon. J'ai plutôt été dans le mouvement perpétuel. C'est une autre manière de voyager. Il y a beaucoup de manières de voyager. C'est ça ce qui est difficile dans ce métier d'éditeur. Il y a des voyages qui peuvent être intérieurs, il y a des voyages qui peuvent être à caractère ethnographique, il y a des voyages qui peuvent être sportifs. Et nous, à Transboréal, nous voulons incarner toutes les formes de voyage. J'ai même publié deux récits d'un tour du monde à moto sur la moto la plus polluante qui soit. Il faut imaginer un peu ce que ça implique de ma part. Parce que, voilà, toutes les formes de voyage sont intéressantes. À partir du moment où elles débouchent sur une forme de transformation intérieure ou sur une forme de transmission de connaissances sur le monde. Et donc, on n'a pas 20 sur 20 partout. On n'a pas un voyageur qui s'est à la fois totalement transformé et qui est capable de transmettre énormément de choses différentes sur le monde. On n'a pas un voyageur qui est parfait au plan de l'écriture ou qui est parfait au plan de la sincérité ou qui est parfait au plan de la durée de son expérience ou de la puissance de son expérience. Nous avons des voyageurs qui ont effectué une expérience marquante, pas parce qu'elles étaient mandatées pour le faire, qui en reviennent plus riches, transformées, qui essaient de communiquer cette expérience le mieux possible en mettant autant d'énergie dans l'écriture qu'elles ont pu en mettre dans le voyage, qui ensuite rapportent parfois des dessins, des illustrations, des photographies plus ou moins bonnes. Voilà, et ça, c'est le travail de l'éditeur de se dire, bon, c'est pas bon partout, mais ça représente quand même quelque chose, ça vaut le coup d'être transmis, et donc je vais aider cet auteur à transmettre ce retour de voyage, ce retour d'expérience. Solo de Zurna. Thomas Henry. Enregistré dans les années 30. La Zurna, c'est un instrument à vent ange double qu'on entend beaucoup en Turquie, en Iran également. Je m'intéresse au disque, bien sûr, et à tous les petits à côté, les petits témoignages qu'il peut y avoir autour du disque. Alors, on voit que celui-ci, par exemple, a une petite étiquette qui est collée là, ici. Léon Nishanian, spécialité de disque arménien, grec et turc. 56 rupias. Donc il y avait un commerce, il y en avait deux d'ailleurs, deux commerces arméniens dans le quartier de Belleville à cette époque. Artignan et Nishanian, c'était en fait des épiceries. On y trouvait aussi des disques à destination des diasporas du quartier. Ça, c'est le genre de petits témoignages justement qui nous renseignent un peu sur l'histoire de l'objet. Ce disque, il a été enregistré en Turquie. Il a voyagé jusqu'ici. Il a été vendu dans un commerce du 20e arrondissement. Il a fini sur une brocante et puis je l'ai récupéré, donc c'est aussi pour ça que je collectionne ce genre de disques. Mon imaginaire est porté. Catherine Demain, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Il se passe Cargo Moto Club, exceptionnellement. On se trouve à la librairie Ulysse, 26 rue Saint-Louis-en-Lille, en face de l'église Saint-Louis-en-Lille, qui est en travaux pour 3 ans. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'on voit autour de nous ? Alors, on voit autour de nous 180, peut-être un peu plus, 200 pays ou régions du monde entier. Les livres sont classés par pays ou par région. Ils sont sur 3 épaisseurs, donc je crois que c'est la seule librairie où le client nouveau n'a pas le droit de toucher au livre. Mais quand je sais ce qui les intéresse, alors où je sors tout, où ils peuvent réellement fouiller. Il faut venir sur la pointe des pieds, voilà. Après avoir voyagé pendant 10 ans, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à faire le tour du monde avec une petite valise et qu'il fallait que d'une façon ou d'une autre, je m'intègre dans la vie normale. Et au cours d'un tour du monde, à force de déduction, je me suis dit qu'une librairie de voyage, ça n'existait pas et qu'il fallait faire ça. Parce que moi, j'ai un grand-père libraire, un autre qui était capitaine au long cours, donc ça m'a paru logique. Quel était ton rapport avec la littérature de voyage ? Parce que tu voyageais, mais est-ce que tu lisais les récits de voyage ? Alors, je lisais jamais avant, mais toujours après, parce que j'aimais beaucoup retrouver ce que j'avais fait. Et c'est une manière de revivre son voyage à travers quelqu'un, et puis à travers soi-même aussi. Et donc, ma librairie, elle est partie de ça, d'avoir sur une étagère, à propos d'un pays, tout ce que j'aurais aimé lire avant, pendant et après. Quand j'ai ouvert cette librairie, j'ai voulu faire un baptême. Voilà. Et comme parrain, j'étais très amie à l'époque avec Hugo Pratt, et comme marraine, Ella Maillard, qui faisait quasiment partie de ma famille. Donc ils sont venus tous les deux. Ella est venue de Suisse, Hugo est venu de Venise, et ils ont participé au baptême de cette librairie. Et on voit d'ailleurs là-haut la photo de cet événement. Mais Ella Maillard n'est pas sur la photo. Il y avait trois autres marraines qui étaient Catherine Lamour, Catherine Lachance et Catherine Lalumière. Donc j'ai dit avec ces trois marraines, ça peut être que bien, quoi. Est-ce que c'est un lieu d'écrivain ici ? C'est aussi un lieu d'écrivain parce qu'il y a quand même beaucoup d'écrivains qui viennent chercher de la documentation quand ils écrivent des bouquins. Et puis il y a beaucoup d'écrivains qui viennent parce qu'ils ont écrit leurs livres. J'en connais pas mal qui sont là. Où tu peux laver dans ton stock ? On ne sait jamais. Ouais, je suis pas sûre que je porterai, mais bon. Non, mais tu as arrêté sur le bord de la route, en face. Et s'il y a un blocage de gilets jaunes, ça peut. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est un rêve que je réalise. Ça fait des années que je rêve de partir toute seule en bécane. Puis je sais pas, bon, la famille, le travail, tout ça, on se dit bon, on le fait pas parce qu'il y a des contraintes, il y a ceci, cela. Et puis on m'a offert un bouquin de Kim Wang qui est là ce soir. Je l'ai lu et c'est vrai que son épilogue m'a vraiment brassée. Je lui ai écrit, il m'a répondu. Le bouquin avait été vendu par la librairie Ulysse. Du coup, je suis venue voir ce qui se passait à la librairie Ulysse. Alors, c'est la plus vieille librairie au monde du voyage. Et tous les premiers mercredis du mois, elle fait ce qu'on appelle le Cargo Club, et réunion d'aventuriers qui viennent partager des échanges. Je suis venue, j'ai eu l'impression que les étoiles étaient alignées. J'ai dit, allez hop, go, je pars. On verra bien pour le boulot, c'est pas grave. On se débrouillera après. Et puis, on s'est dit, on va faire un Cargo Club pour un peu booster la librairie. Et puis, on démarre ce jour-là, quoi. Voilà. Tout simplement, un rêve d'enfance. Vous partez où ? Je commence par l'Europe du Sud, puisque je vais commencer par l'Espagne, parce que j'ai ma famille dans le Sud-Ouest, donc je vais aller claquer la bise à la famille, au papa. Et puis, je commence par l'Espagne, les pays chauds. Et après, pas de route tracée, parce que je ne veux pas de contraintes. Donc, ce sera en fonction des rencontres, des opportunités, et puis voilà. Tout simplement, le vrai voyage libre, quoi. Et vous partez seul ? Oui. C'est la première fois que j'ai la sensation de faire quelque chose, rien que pour moi, après avoir élevé les filles, le mari, puis un mari sympa qui accepte le truc, donc on y va, quoi. C'est important pour vous de partir d'une librairie de voyage ? Oui. Oui, c'est important pour moi, parce que d'abord, cette librairie, pour moi, c'est, comme je disais, c'est la rencontre de personnes qui m'ont décidé à partir, enfin, c'est des lectures, c'est des échanges. Et puis, il y a une symbolique qui est importante, parce que moi, ce voyage, c'est aussi le plaisir de pouvoir bouquiner, quand j'en ai envie, où j'en ai envie, parce que c'est un élément important. D'ailleurs, dans mes bagages, il y a quelques livres, donc même si j'ai une tablette électronique, j'ai besoin d'avoir le support papier, donc ça m'alourdit un petit peu, mais c'était vraiment important pour moi d'avoir cette symbolique-là. Eddie Lund, c'est un musicien américain qui a découvert Tahiti dans les années 30 et qui a eu un coup de foudre pour l'île et qui est parti s'installer là-bas à la fin des années 30 et qui a fait sa carrière et donc a enregistré un certain nombre de disques, notamment sur un label qu'il a créé qui s'appelait Tahiti, donc où il réinterprète des airs du répertoire traditionnel tahitien un peu arrangé. C'est un disque que j'adore, espèce d'ambiance des îles, et puis en plus là on a affaire à un vrai voyageur qui a traversé le Pacifique pour venir s'installer sur cette île, donc voilà, un disque qui me fait beaucoup voyager, ouais. Merci à Emmanuel Fournier, voyageuse à moto. Merci à Thomas Henry, Isabelle Dion, Marie-Hélène Freissé, Jean-Marc Duroux, Tristan Savin, Aymeric Fisset, Catherine Demain et Charles Grémont. Oh, yeah.